Pourquoi le temps a passé, moi j'en suis toujours là, à vouloir être trop aimé, à écrire des choses sur moi.